Chapitre 22e, les témoins. Quand le discours de l'avocat fut achevé, l'audience fut quelque temps suspendue. La chaleur était suffocante et augmentait d'heure en heure. Le soleil dardait de plus en plus ses rayons, mais il ne venait à l'idée d'aucun des auditeurs de quitter sa place pour aller respirer un moment en air plus pur. La foule qui encombrait les corridors et les passages l'eut d'ailleurs à peine permis. L'incertitude était trop vive, l'intérêt trop palpitant. Quelles étaient donc ces personnes qui allaient prouver l'innocence de Herbert Dare? Tout à coup, il se fit du bruit à l'autre bout du tribunal. Tous les yeux s'ouvraient tout grands pour mieux voir, toutes les oreilles étaient tendues pour mieux entendre, lorsqu'un huissier avança en criant « Place, place pour un témoin !» Les spectateurs regardaient, avançaient le cou et regardaient encore. Quelques-uns d'entre eux, désappointés, auraient volontiers tiré l'oreille de l'huissier, parce qu'il les empêchait d'y voir. Mais qu'est-ce donc que cette jeune et frêle créature que conduit l'avocat Winter? La foule ne l'a pas encore aperçue. Mais quand l'inconnu est arrivé à la barre des témoins, les yeux toujours baissés, la tête penchée, alors un murmure s'élève et ébranle la cour jusqu'en ses fondements. Le juge cherche ses lunettes, les pose sur son nez et regarde. C'est une jolie jeune fille vêtue du costume simple et modeste particulier aux Quakeresses, à peine plus modeste que sa charmante figure. Elle ne prête pas le serment d'usage, mais promet de dire la vérité en employant la formule affirmative de sa secte. « Comment vous appelez-vous ? » demande le défenseur. Elle cherche à répondre, ses lèvres remuent, mais aucun son distinct n'en sort. « Parlez plus haut !» dit le juge d'un ton bienveillant. Après un profond soupir et un effort que les spectateurs eux-mêmes peuvent distinguer, la réponse arrive. « On m'appelle Anna. Je suis la fille de Samuel Lynn. Où demeurez-vous ? « Je demeure avec mon père et Patience sur la route de Londres. Que savez-vous de l'accusé ?» Un silence long et profond suivit. Tout le monde attendait avec impatience la réponse. « Je sais qu'il est innocent du crime dont il est accusé, » répondit Anna. « Comment le savez-vous ? Parce qu'il ne pouvait pas être à ce moment à l'endroit où s'est commis le crime. Où était-il alors ? Avec moi. » Mais la réponse est si inintelligible qu'on ordonne aux témoins de parler plus haut. La jeune Quakeresse répète en employant d'autres termes « Il était à notre maison. »« À quelle heure alla-t-il à votre maison ?»« Il était 9 heures quand il arriva. » »« Et à quelle heure s'en alla-t-il »« À 1 heure du matin. » Cette révélation causa une certaine surprise. C'était une heure un peu tardive à avouer pour une petite Quakeresse. « Passait-il la soirée avec vos amis ?» Non. « Savait-il qu'il était là ?» Non. « C'était donc une visite clandestine qu'il vous faisait ? Où était-il ? » Un silence suivit. Et d'une voix tremblante, ils étaient couchés. « Ah, vous l'entreteniez donc toute seule, alors ?» Elle fondit en larmes. Le juge laissa tomber ses lunettes. Sa belle figure exprimait la compassion. Peut-être pensait-il à ses propres filles. La foule écoutait, bouche béante, l'air étonné. Le juge rapporteur continua. Et il prolongea sa visite jusqu'à 1 heure du matin. « Je ne pouvais pas rentrer dans la maison, » sanglota-t-elle. « C'est pour cela qu'il est resté si tard. » Peu à peu, à force de questions, on apprit que Herbert Dare avait l'habitude d'aller l'attendre en cachette dans le champ où Anna lui donnait rendez-vous. Elle était restée ce soir-là jusqu'à 10 heures. Voyant qu'Esther allait chercher une potion pour Patience, elle en avait profité pour courir apporter un livre au prisonnier et en essayant un moment après de rentrer, elle avait trouvé la porte fermée. Elle raconta tous ces faits aussi simplement qu'une enfant. Qu'avez-vous fait tout ce temps depuis 10 heures à 1 heure du matin ? J'étais assis sur le seuil de la porte à pleurer. Le prisonnier était-il avec vous ? Oui, il est resté avec moi une partie de ce temps, me répétant de ne pas avoir peur, et le reste du temps, 1 heure je crois, il a travaillé à forcer le grillage de la fenêtre de l'office pour essayer de me faire rentrer. A-t-il été tout ce temps occupé à forcer le grillage ? Il s'est passé longtemps avant que j'aie songé à cette fenêtre. Il voulait réveiller Esther, mais j'avais peur. Je craignais qu'elle ne le dise à Patience qui aurait été si fâchée contre moi. Il est entré à la fin par la fenêtre de l'office, il m'a ouvert celle de la cuisine et je suis rentré par là. Et vous affirmez qu'il a été tout ce temps jusqu'à 1 heure du matin occupé à forcer les barreaux d'une fenêtre d'office ? S'écria M. Brown. Il était presque 1 heure, je dis la vérité. Et vous n'avez pas perdu de vue le prisonnier depuis son arrivée dans le champ à 9 heures jusqu'à 1 heure du matin ? Seulement quelques minutes, 4 ou 5, quand je rentrais chercher le livre, il attendait dans le champ. Quelle heure était-il ? La cloche de 10 heures venait de sonner à Helstonleigh, nous pouvions l'entendre. Il a été avec vous tout le reste du temps ? Oui, Pendant qu'il travaillait à forcer la fenêtre de l'office, je ne le voyais pas, parce qu'il fallait tourner l'angle de la maison, mais je pouvais l'entendre. Et avant de commencer à rompre les fils de fer, il était près de moi, me disant de ne pas avoir peur. Tout le temps, ou l'affirmer, j'affirme tout ce que j'ai dit. Je parle comme devant mon Créateur. Trouvez-vous que ce soit une jolie confession pour une jeune demoiselle ? Elle fendit de nouveau en larmes. Le juge lança un regard sévère au rapporteur, mais M. Brown avait de l'impudence pour 10. Combien de fois, je vous prie, est-ce que ce joli drame nocturne s'est joué ? Continua-t-il pendant qu'Anna sanglotait. Jamais auparavant, répondit une voix sévère et émue. Ne voyez-vous pas que c'était un simple accident ? Comment osez-vous traiter cette pauvre enfant si indignement ? C'était le prisonnier qui parlait. Au son de sa voix, Anna tressaillit et se tourna précipitamment de son côté. C'était la première fois qu'elle levait les yeux depuis son arrivée au tribunal. Et après ? Demanda M. Brown, comme pour savoir s'il n'avait rien d'autre à communiquer. Je n'ai plus rien à dire. Je t'ai dit tout ce que je sais. Il était près d'une heure lorsqu'il s'en alla, et je ne l'ai pas revu depuis. Le prisonnier portait-il un manteau cette nuit-là, lorsqu'il arriva dans le champ ? Non, il en portait un quelquefois, mais il ne l'avait pas cette nuit-là. Il faisait très chaud. À ce moment, Anna eut la conscience qu'une figure bien connue la regardait du milieu de la foule. Figure familière et étrangère tout à la fois, car les traits livides en étaient contournés, les yeux n'avaient plus leur regard naturel, leur expression portait l'empreinte d'une immense douleur. C'était la figure de Samuel Lynn. Poussant un cri perçant, Anna tomba évanouie. Ce que la honte d'être amenée devant le tribunal n'avait pu effectuer, la vue de son père, honte de sa fille, l'avait fait. C'était bien une honte, en effet, que d'avoir à confesser en public une pareille aventure. M. Winter s'avança, on emporta Anne. Notre quaqueresse fut amenée à la barre. C'était une petite femme d'âge mûr, aux traits ridés, qui montrait ses dents tremblotantes tout en parlant. Elle fut sommée de raconter tout ce qu'elle savait relativement à la visite de Herbert Dare. J'étais monté pour me coucher à mon heure habituelle, peut-être un peu plus tard, parce que j'avais dû attendre une potion, ne supposant pas Anna ailleurs que dans sa chambre et dans son lit. J'étais endormi depuis assez longtemps quand je fus tout à coup réveillé par le bruit de la fenêtre de la cuisine que l'on ouvrait au-dessous de moi. Je m'assis sur mon lit, j'écoutais, je me convainquis ainsi qu'on levait lentement et doucement la fenêtre comme si l'on avait peur d'être entendu. Je fus très inquiète, d'autant plus que je savais avoir fermé cette fenêtre, et je pensais tout de suite à des voleurs. Pendant que je me demandais ce qu'il fallait faire, puisqu'il n'y avait dans la maison qu'Anna et Patience enchaînés dans son lit, je crus reconnaître la voix de l'enfant du fond de la cour. J'allai à ma fenêtre, mais je ne pus rien distinguer, parce qu'elle donnait droit au-dessus de la cuisine et que je n'osais pas l'ouvrir. Mais j'entendis encore Anna. Elle parlait à voix basse, et il me sembla distinguer aussi une voix d'homme. Je me dis que je rêvais, puis je pensais que ce pouvait bien être le jeune Gar, le fils de notre voisine Jane Halliburton. Je savais que ses autres fils n'étaient pas à la maison, l'aîné étant en voyage et le second à Oxford. Je réfléchis que peut-être il lui arrivait quelque chose et qu'il venait chercher du secours. Cependant, pourquoi ouvrirait-il en cachette la fenêtre de la cuisine et pourquoi Anna chuchoterait-elle avec lui ? En somme, à te dire la vérité, et elle regardait le juge auquel seule elle paraissait s'adresser. Je ne savais que penser. Je mis doucement mes habits et descendis sans bruit l'escalier. Je restai un moment à la porte de la cuisine et j'entendis distinctement Anna rire. Cela me rassura, quoique je fusse toujours intrigué, et j'ouvris tout de suite la porte. Ici, le témoin s'arrêta court. « Que vîtes-vous en ouvrant la porte ?» demanda le juge. « Je ne te le dirai pas si je n'avais pas promis de dire toute la vérité, » répondit-elle franchement. « Je vis le prisonnier Herbert Dare. Il paraissait avoir ri avec Anna, qui était debout près de lui, et il se disposait à passer par la fenêtre lorsque j'ouvris. » « Eh bien, après ?» demanda le rapporteur avec impatience, car Esther s'était encore arrêtée. « Je ne puis plus te raconter ce qui s'est passé, c'est à peine si je m'en souviens. Tout est confus dans ma mémoire. » Anna se mit à pleurer et se cacha la figure. Le prisonnier tenta de s'expliquer, mais je ne voulus pas l'écouter. Voir un fils d'Anthony Dare dans la maison avec l'enfant, à l'heure de minuit, me remplissait de colère. Je lui ordonnais de partir. Je crois même que je le poussais par la fenêtre. Je menaçais d'appeler la police. Finalement, il s'en alla. Sans rien dire, je te dis que je ne voulais pas l'écouter. Je crois qu'il me disait qu'Anna n'était pas à blâmer, que je n'avais pas de raison pour la gronder ou en parler à Patience, que si c'était la faute de quelqu'un, c'était la mienne. Comme je refusais de l'entendre, il me dit qu'il s'expliquerait quand je serais moins en colère. C'est tout ce que je sais de lui. Avez-vous parlé de cette affaire à quelqu'un ? Demanda le rapporteur. Non. Pourquoi ? L'enfant s'attacha à moi en pleurant lorsqu'il fut parti, me donnant l'explication que je n'avais pas voulu entendre, et me suppliant de ne rien raconter à Patience. Elle me dit que lorsque j'étais allé chercher la potion de Patience, elle avait saisi l'occasion pour courir dans le champ rapporter un livre à Herbert Dare. Quand vous le rentrez, elle avait trouvé la porte fermée à clé, et qu'elle était restée assise à pleurer tout le temps sur le seuil de la porte, jusqu'à ce qu'il eût réussi à la faire entrer par la fenêtre. J'allai à l'office, je vis que le grillage en était rompu, je savais qu'il avait fallu beaucoup de temps pour le forcer. Je cédai aux prières de l'enfant, et je ne parlais à personne, pas même à Patience, de ce qui était arrivé. C'est la première fois que cette histoire sort de mes lèvres. Ainsi vous trouviez convenable de cacher une pareille aventure et de donner aux prisonniers l'occasion de renouveler ses visites nocturnes ? Demanda le rapporteur. Ce qui était fait ne pouvait être défait, répliqua le témoin. Je voulais épargner un scandale à l'enfant. Pendant que je réfléchissais, si je devais le dire à Patience qui était si souffrante, la nouvelle arriva que Herbert Dare était prisonnier. Il avait été arrêté le matin suivant et accusé du meurtre de son frère. Je savais donc que je n'avais rien à craindre de lui durant plusieurs semaines, aussi je retins ma langue. Esther avait toujours répondu d'une voix franche et distincte, bien différente de la timidité d'Anna. Personne ne doutait de l'exactitude de son récit, mais l'avocat paraissait disposé à la questionner. Depuis quand saviez-vous que vous deviez être appelé ici à rendre témoignage ? Je ne l'ai su qu'en venant. Richard Winter est venu chez nous en voiture cet après-midi et nous a emmenés avec lui. Par quelques remarques qu'il a échangées en route avec Anna, j'ai compris qu'elle savait la chose depuis un jour ou deux. On craignait de m'avertir de peur que je ne refusasse de venir. Encore une question, témoin. Le prisonnier portait-il un manteau cette nuit-là ? Non, je ne lui en ai pas vu. Le témoin reçut après cette réponse la permission de se retirer. Richard Winter alla à la recherche de Samuel Lynn et le trouva assis sur un banc de la cour du palais de justice, la tête penchée sur la poitrine, les yeux baissés, entouré de plusieurs messieurs de sa secte, dont quelques-uns tenaient en haut rang à Helston Leigh. Les récits quelque peu scabreux ne perdent rien à se transmettre de bouche en bouche, et sans grand effort d'imagination, la ville tout entière s'était empressée de conclure charitablement qu'Anna Lynn était la jeune fille la plus imprudente, la plus écervelée, la plus légère qu'eût jamais vécue. Herbert Dare avait sa large part dans tous ces commérages. Patience, étonnée, avait fait dire à la manufacture que Richard Winter était venu chercher Anna et Esther pour témoigner dans l'affaire Dare. Le Quaker pensait que Patience se trompait, que son message était dû à une erreur. Néanmoins, il se dirigea du côté du palais de justice, accompagné de William, et assista à l'interrogatoire. Lui, si strict et si sévère, ne devait pas regarder ses faits sous une couleur plus favorable que les habitants de Helston Leigh, et il est facile de comprendre ce que cette révélation dut être pour lui. Mademoiselle Lynn et sa servante ne seront plus interrogées, lui dit l'avocat. J'ai fait chercher une voiture pour les emmener. La voiture vint. Monsieur Winter y fit monter Anna. Esther la suivit. Samuel Lynn s'avança et il monta en chancelant. Ses jambes n'avaient plus la force de le soutenir. « Tu ne seras pas dur pour elle, Samuel. » chuchota un ami influent à la figure douce et bienveillante. « Quelques-uns d'entre nous iront conférer avec toi demain. Mais d'ici là, souviens-toi qu'elle est ton enfant et qu'elle n'a pas de mère. » Samuel Lynn ne répondit pas, ne parut pas même entendre. Il s'assit en face de sa fille, les yeux toujours baissés, la figure d'une pâleur livide. Esther mit tout à coup la tête à la portière et fit un signe à William. « Veux-tu avoir l'obligeance de monter avec nous ?» lui dit-elle à l'oreille. « Samuel Lynn a une figure qui me fait peur. » William monta et la voiture partit, les glaces fermées, au grand désappointement de la foule curieuse. Avant qu'on fût hors de la ville, William et Esther, d'un mouvement simultané, soutinrent le Quaker qui s'affaissait. « Qu'est-ce que c'est ?» s'écria Anna à la vue de la figure étirée, tordue, contournée de son père. « C'est ton ouvrage, » dit Esther d'un ton moins calme que d'habitude. « Tu as sauvé la vie de ton ami Herbert Dare, mais tu as probablement tué ton père. » Ils étaient près de la demeure de M. Parry. William fit arrêter la voiture. Le chirurgien était chez lui. Il prit la place de William. Samuel Lynn venait d'être frappé d'une attaque de paralysie. William arriva avant eux et prépara cette funeste nouvelle Patience qui était assez rétablie pour se lever et marcher, quoiqu'en boitant. On transporta M. Lynn dans sa chambre. Anna courut dans la sienne et se jeta tout habillée sur le plancher. William la vit en sortant d'auprès de Mousseline. Personne ne s'occupait d'elle, ce n'était pas le moment de faire des cérémonies. Il entra et essaya de la relever. « Laisse-moi, William, laisse-moi. Oh, si je pouvais mourir. Anna, mon enfant, cela ne réparerait pas le passé. Ne vous désolez pas ainsi. » Elle se détourna et sanglota toujours plus fort. « Oh, si je pouvais mourir. Si je pouvais mourir. » William alla auprès de sa mère et lui raconta rapidement ce qui s'était passé, en la priant d'aller elle-même voir ce qu'elle pourrait faire dans cette maison de douleur. Jane, stupéfaite, demanda d'autres explications. Elle ne le comprenait nullement. « Je t'assure, mère, que je ne le comprends pas beaucoup plus moi-même. » Il paraît qu'Anna s'est trouvée mise à la porte de la maison par suite d'une erreur d'Esther et que Herbert Dare était avec elle. « Ce sera sans compte, on dit, le moyen de la quitter. Mais garde les commentaires de Helstonleigh. » Jane alla, la tête encore bouleversée, chez Mousseline. Elle trouva patience dans une désolation impossible à décrire. Et Anna, telle que William l'avait laissée, répétant toujours « Je voudrais être morte. Je voudrais être morte. » Pendant que le jugement se poursuivait, le juge récapitulait tous les faits d'un ton calme et sérieux, dénué de ses élans oratoires propres à messieurs les avocats. Il établit les faits d'une manière claire et concise aux yeux des jurés. Il ne parla pas en faveur du prisonnier, mais il avoua franchement qu'il ne voyait pas comment ne pas se rendre à l'évidence du récit de la jeune quakeresse et de sa servante. S'il fallait les en croire, le prisonnier ne pouvait avoir commis le meurtre et avait droit à un acquittement. Il était 6 heures quand le jury se retira pour délibérer. Le juge, les avocats, les spectateurs attendaient avec impatience dans la salle suffocante. De la décision de ces 12 hommes dépendait la vie du prisonnier. Dans la poche de Sir William Carlyle était un petit bonnet noir, innocent lui-même, mais d'une signification terrible quand le président le tenait à la main. Devait-il apparaître ce soir-là? Le jury rentra. Il n'avait passé qu'une heure à délibérer. 7 heures sonnaient aux horloges de la ville, le temps avait paru double aux spectateurs. Que devait-ce donc être pour le prisonnier? Ils s'assirent et l'huissier donna l'ordre de faire silence. « Êtes-vous d'accord, messieurs les jurés ?» demanda le président. « Nous le sommes. » « L'accusé est-il coupable ou non coupable, messieurs les jurés ?» Le premier juré s'avança, regarda le juge et d'un ton ferme. « Mylord, l'accusé n'est pas coupable. »